Bonjour Arjuna Andrade, bon réveillon à vous et puis on se retrouve demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette semaine de fête, France Culture vous propose de réfléchir sur la notion d'histoire, non pas l'histoire avec un grand H, mais bien des histoires que l'on raconte. Et ici, à la compagnie des auteurs, nous nous arrêtons sur ces petites capsules narratives chargées de beaucoup de significations que sont les contes. Des contes et évidemment des contes de Noël dont viendra nous parler demain Jérémy Benoît qui détaillera les motifs récurrents de ces contes, qu'ils soient chrétiens ou païens, qui parlera de ces histoires où figurent en bonne place des crèches et des sapins. Mercredi, avec l'écrivaine Anne-Marie Gara, nous étudierons les sens multiples qui se cachent sous les quelques pages du Petit Chaperon Rouge et ils sont fort nombreux, vous l'entendrez. Enfin jeudi, Cyril François viendra comparer les trois grands types de contes que sont ceux des frères Grimm, de Perrault et d'Andersen. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, pour une émission introductive sur les contes en général et sur quelques-uns d'entre eux en particulier, nous sommes avec Bernadette Bricout, professeure de littérature orale à l'Université Paris Diderot. Elle enseigne les mythes, les contes et donc la tradition orale. Bon réveillon à tous, bienvenue, voici la compagnie des auteurs. Les romantiques allemands en particulier, qui étaient des faiseurs de contes, qui étaient des liseurs de contes, des découvreurs de contes. Ils ont été les chercher un petit peu partout dans les campagnes, là où il en restait, alors que le folklore existait encore, mais qu'il était presque sur le point de se perdre. Ils se sont dépêchés, sentant que c'était la fin, ils se sont dépêchés de faire des recueils. Mais ils étaient donc, comme moi, de grands liseurs de contes et de grands faiseurs de contes, ce que je ne suis pas, malheureusement. Et l'un d'eux a écrit quelque part que toute histoire, tout roman, si moderne soit-il, quel que soit son sujet, quelle que soit la technique qu'il emploie, au fond commence par « Il était une fois ». Bonjour Bernadette Bricout. Bonjour. Ce « Il était une fois » dont parlait un archive Marthe Robert, qu'est-ce qu'il signifie finalement? L'entrée dans un monde autre, dans un monde qui est régi par des lois différentes d'une autre, et le fait que le conte, à la différence d'autres histoires brèves, comme la légende par exemple, se signale toujours à nous comme une fiction avouée. Le conte nous dit « je suis une histoire inventée à plaisir ». Et après le « il était une fois », très souvent, on va avoir des précisions sur un espace et un temps qui sont un espace et un temps très éloignés d'une autre. « Il était une fois » et l'histoire que je vais vous raconter se passe tout au bout de la terre, là où le monde se termine par une palissade de ronda. Donc le conte s'est forcément éloigné de nous. Il y a forcément une distance entre celui qui écoute ou qui lit un conte et l'histoire racontée. Je dirais pas qu'il y a une distance, parce que en fait il s'adresse aussi très intimement à nous. Mais à la différence de ce qui se joue, alors il est vrai que vous avez dit « il était une fois », et Marthe Robert a évoqué aussi cette formule. « Il était une fois », on est dans le conte merveilleux. Si nous étions dans le registre fantastique, ça se jouerait évidemment différemment, puisque le fantastique va pouvoir s'insérer au fond dans des failles du réel. Et là, on peut dire que le conteur, c'est celui qui est frappé d'inspiration. Là, où le cours ordinaire des événements se trouve tout à coup rompu. Avec le conte merveilleux, je vous dis, je vais vous emmener très très loin, dans un monde autre, un monde qui est régi par ses lois propres, un monde où règne un enchantement qui n'exclut pas du tout les épreuves, mais un monde qui vous parlera de vous autrement. Alors, on voit bien qu'il y a du mystère au creux de ces contes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez publié un livre qui s'appelle La clé des contes, parce que cette clé, bien souvent, elle est cachée. Si on trouvait cette clé, Bernadette Bricout, on verrait alors ce qui s'appelle voir. Mais qu'est-ce qu'on verrait exactement ? On verrait que dans les objets du monde qui nous entoure, parce qu'au fond, moi, ce que j'ai appris, j'ai passé quand même beaucoup de temps en compagnie des contes, en familiarité avec les contes, eh bien, c'est que dans les objets les plus familiers du monde qui nous entoure, une trame de sens se trouve invisible et pourtant présente, et nous ne savons plus voir. Pourquoi dans les objets en particulier? Et les objets humbles. Pourquoi dans les objets? Je préfère partir des objets que des êtres. On pourra parler, si vous le voulez, des personnages du conte ensuite. Parce qu'au fond, qu'il s'agisse d'un brin d'herbe, d'un champ d'oiseau, d'un nuage, de l'étoile que nous ne regardons pas au ciel, mais à la limite aussi du fromage blanc lorsqu'il sort de la faisselle, le conte, et plus généralement d'ailleurs les divers genres de la tradition orale, la devinette nous y incite aussi, va nous apprendre à avoir un autre regard. Lorsque la devinette dit, je vais prendre ce genre-là parce que c'est une capsule encore plus restreinte pour reprendre votre expression, qu'est-ce qui a ces tétines sur l'échine ? Et que la réponse qu'ont donné à cette devinette les paysans qui le fabriquaient, c'est le fromage blanc. Mmh. Lorsqu'il sort de la faisselle, eh bien, je vous assure que même le fromage blanc va devenir pour vous un objet poétique. Et donc, notre regard change. Alors, je parle des objets parce que c'est peut-être dans ces motifs-là que le regard change le plus vite. Donc, il y a quelque chose de magique dans la transformation du regard sur un objet très simple dont le simple fait de le regarder va révéler une dimension a priori comme ça, cachée. Les récits de littérature orale, les contes, les mythes, les légendes, sont unis par une trame symbolique, et par une trame symbolique qui est peu visible, il est vrai. C'est d'ailleurs ce que qu'un certain nombre d'amoureux du conte comme moi-même s'attachent à décrypter. Mais cette trame invisible nous rappelle que nous sommes dans un monde où tout fait sens. Et ce que nous avons peut-être du mal à percevoir, dans un monde où aujourd'hui, très souvent, l'information nous parvient de façon extrêmement discontinue. Je pense aux tweets, par exemple, je pense aux clips, c'est-à-dire à des formes, au fond, de messages discontinus, mais qui ne s'inscrivent pas dans une trame, c'est qu'est-ce que cela peut avoir à nous dire, voilà. Et le conte nous parle, au fond, d'un univers où tout fait sens. Donc le conte est toujours relié à une signification. Il y a toujours un message dans les contes, Bernadette Bricout. Lévi-Strauss disait « La terre de la mythologie est ronde » et on ne saurait mieux dire « Chacun de ces récits renvoie à un univers. » Au fond, vous voyez, on est dans la trame de la planète des contes. La planète des contes, eh bien, c'est au fond la planète des contes, c'est un ensemble où chaque pièce du puzzle vient s'imbriquer étroitement et est à peu près inséparable des autres. Oui, tout fait sens dans le conte, Mathieu, tout fait sens dans le conte. Toutes les lectures que l'on fera d'un conte ne parviendront jamais à en épuiser le sens en même temps. C'est ça qui est vertigineux et merveilleux, c'est que le voyage n'est jamais fini. Alors on va en écouter un de conte pour commencer. Il est assez court, on va pouvoir l'écouter en entier. Puis vous allez nous dire quand même s'il fait vraiment sens et si oui, quel peut être son sens, parce que ça n'est pas évident. Par un jour d'hiver, la terre étant couverte d'une épaisse couche de neige, un pauvre garçon dut sortir pour aller chercher du bois en traîneau. Quand il eut ramassé le bois et chargé le traîneau, il était tellement gelé qu'il ne voulut pas rentrer chez lui tout de suite, mais faire du feu pour se réchauffer un peu d'abord. Il balaya la neige, et tout en raclant ainsi le sol, il trouva une petite clé d'or. Croyant que là où était la clé, il devait y avoir aussi la serrure, il creusa la terre et trouva une cassette de fer. Pourvu que la clé aille, pensa-t-il, la cassette contient sûrement des choses précieuses. Il chercha, mais ne vit pas le moindre trou de serrure. Enfin, il en découvrit un, mais si petit que c'est tout juste si on le voyait. Il essaya la clé, elle allait parfaitement. Puis, il la tourna une fois dans la serrure, et maintenant, il nous faut attendre qu'il ait fini d'ouvrir et soulever le couvercle. Nous saurons alors quelle chose merveilleuse était contenue dans la cassette. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cette lecture du conte La Clé d'Or par Jean-Marie Ferté. Il est bien étrange ce conte, Bernadette Bricout. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? La Clé d'Or, c'est vraiment l'expression métaphorique et poétique de la promesse. De la promesse d'un trésor qui est tout près de nous. Un trésor qui est d'ailleurs un trésor bruissant des voix du passé, un trésor de récits qui ont tant à nous dire. Mais ce qui me touche beaucoup dans La Clé d'Or, c'est que c'est un conte ouvert. Et maintenant, il nous faut attendre qu'il ait fini d'ouvrir. Alors que très souvent, on a du conte l'image d'une forme close. Il est ouvert sur toutes les découvertes que nous pourrons faire ensemble et que pourront faire les lecteurs ou les auditeurs du conte. C'est pour ça que vous l'avez mis comme premier conte dans votre livre La Clé des Contes. Aussi parce que c'est vrai, mais c'est aussi parce que La Clé des Contes, pour moi bien sûr, il y a une clé qui peut ouvrir cette cassette et nous donner peut-être ou nous permettre d'entrevoir quelques-unes des significations du conte. Mais je crois aussi vraiment que prendre la clé des contes comme il le fait, c'est prendre la clé des champs, c'est partir en voyage. Mais est-ce qu'il faut toujours chercher d'ailleurs la signification de ces contes? Est-ce qu'on ne peut pas les lire simplement comme de la poésie, par exemple? Mais oui, d'abord, je ne crois pas qu'on la cherche, la signification. Je crois qu'elle vient à nous. Vous savez, j'ai tendance à dire que le conte nous choisit au moins autant que nous le choisissons. Et on s'aperçoit que même de très jeunes enfants qui réclament et qui réclament à l'envi la même histoire, la même histoire et la même histoire à l'exclusion de toutes les autres, mais si vous les interrogez, et ça vaut la peine de le faire, je pense aux parents, aux enseignants qui pourraient nous écouter, eh bien si on les interroge, on sera surpris de leur réponse. Parce que si le conte me parle, alors, eh bien, peut-être que je vais cheminer vers une première lecture, puis une deuxième, puis une troisième, exactement comme dans un livre aimé, quand vous reprenez un roman pour la troisième fois. Je pourrais vous donner un exemple. Mm-hmm. Je connais un très jeune enfant qui m'est proche, qui m'est très proche, et auquel je demandais un jour, il avait 4 ans, quel est ton conte préféré? Et il me dit, Les Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons, c'est un conte que j'ai moi-même beaucoup aimé. Je me dis, oui, je vois très bien le cochon installé dans sa maison en pierre lorsque le loup viendra et soufflera. Et je lui dis, mais pourquoi Les Trois Petits Cochons? Et il me répond, parce que, 4 ans, c'est notre histoire. Toi, maman, tu as toujours vécu dans des maisons en paille. Alors un jour, le loup est venu, il a soufflé, et tu as couru chez papa qui vivait dans une maison en bois. Et évidemment, le loup est venu, il a détruit la maison de papa. Alors vous êtes venu chez moi, où le loup, où aucun loup ne pourra jamais vous déloger. C'était pas une lecture très orthodoxe au regard de la psychanalyse. Et elle a beaucoup étonné certains de mes amis auxquels j'en ai parlé. Mais à l'évidence, il avait construit, à partir de ce récit, un roman familial, comme l'aurait dit Marthe Robert, qui faisait sens pour lui et qui m'a beaucoup étonnée. Et vous-même, on l'entend, vous êtes une conteuse aussi, Bernadette Bricout. Je ne me prévaudrai pas de ce privilège, je ne me targuerai pas de ça, parce que l'art du conte est un art difficile, mais j'aime la parole, c'est vrai. J'aime la parole. Il y a aussi dans l'art du conte l'attente et le suspense. Et là, dans La Clé d'Or, c'est merveilleux à quel point ça n'est quasiment que de l'attente, puisque finalement on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette cassette et on peut y mettre ce qu'on veut. veut, donc on peut tout imaginer et tout attendre. C'est vrai que le conte abolit les barrières dont notre monde est hérissé et que donc dans le conte, tout devient possible. Ce qui ne veut pas dire que le chemin ne soit pas tracé, on va le voir, mais tout devient possible. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, alors à la fois de l'attente pour celui qui ouvre la cassette et de l'attente pour l'auditeur de conte qui est suspendu aux lèvres du conteur. Et qui dit « et alors ?» Et qui, mais qui attend souvent qu'on lui raconte une histoire qu'il connaît déjà? Et ça, c'est très mystérieux. Parce que très souvent, vous le voyez par exemple dans le cas des séries, pour parler d'un genre narratif qui rencontre beaucoup d'écho aujourd'hui, bah dans le cas des séries, très souvent, on va attendre précisément la fin la plus imprévisible. Avec le conte, et en particulier le conte que nous fréquentons, je te demande de me redonner encore cette histoire que peut-être je connais par cœur, mais que je demande à réentendre comme une musique familière. Et donc le plaisir, il est moins dans la découverte que dans la reconnaissance, voilà. Et alors qu'est-ce que vous, parce que vous avez dû réfléchir beaucoup justement à ce fait-là, oui, et à ce qu'il signifie et à quoi il sert. Je veux que l'on me raconte, je souhaite que l'on me raconte, j'attends, pour reprendre notre terme, que l'on me raconte l'histoire qui, au moment où je l'entends, élargit pour moi les murs de la vie, qui va m'aider à passer un cap, qui va m'aider à me dire au cœur d'une épreuve, et il y a beaucoup d'épreuves dans une vie, qu'au-delà de l'épreuve, autre chose va survenir et que même l'épreuve que je traverse fait peut-être sens à l'intérieur de ce qui sera quelque chose comme un chemin de formation. C'est l'histoire qui va m'apprendre à naviguer dans les torrents, comme dirait Boris Cyrulnik quand il parle de la résilience. C'est de cette histoire-là que j'ai envie de réentendre la musique. Mais est-ce qu'on en lit encore aujourd'hui des contes à part aux enfants? Est-ce qu'on utilise le conte, comme vous le dites, à des moments où on aurait besoin de résilience, où on aurait besoin de sens dans nos vies? Ah ben je suis tout à fait convaincue que on en lit beaucoup, on en écoute beaucoup, et il va falloir tout de suite que nous tordions le cou à une idée très répandue. C'est vrai que un livre riche, au demeurant, comme celui de Bruno Bettelheim, pourrait nous inciter à penser que le conte est d'abord destiné aux enfants. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est relativement récent. Le conteur s'adressait au cercle des adultes. Et les enfants se sont peut-être appropriés peu à peu des récits qui ne leur étaient pas destinés. Donc si le conte parle à l'enfance, c'est peut-être à l'enfant qui est en moi, mais c'est d'abord de l'enfance de l'humanité qu'il me parle. Mais est-ce qu'on en lit encore aujourd'hui autant qu'on en lisait? Écoutez, on en lit. Alors, j'écoutais avec émotion Marthe Robert tout à l'heure, qui disait « ils ont presque disparu ». Oui. Ils ont presque disparu. Heureusement, les frères Grimm les ont recueillis. C'est vraiment un stéréotype, là aussi, pardon pour Marthe Robert, mais auquel je crois il faut tordre le cou. Le Chicanou de Rabelais disait déjà « toutes les bonnes coutumes se perdent ». Et le conte, comme tout objet folklorique, on le voit surtout lorsqu'il semble disparaître. Nerval parle des récits et des chants qui se perdent avec la mémoire et la vie des bonnes gens du passé. Le conte, il est omniprésent. Regardez de quoi se nourrit Walt Disney, par exemple. Regardez le succès planétaire d'un conte comme Le Petit Prince, qui pour le coup est un conte d'auteur qui a été folklorisé. Le conte est partout. Le conte est partout. Alors, dans le conte qu'on a entendu, La Clé d'Or, Bernadette Bricout... Je l'aimais bien, celui-là. Je l'aime bien, c'est vrai. Il ouvre beaucoup de portes, je trouve. Il y en a une qui n'ouvre pas, c'est la serrure qui conduit sur une chambre effrayante. Parce que très souvent, les contes sont effrayants, mais pas La Clé d'Or. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la peur dans le conte en général? Oui, on ne sait pas s'il n'y a pas de la peur dans la cassette. Vous savez, c'est peut-être comme la boîte de Pandore. On s'arrête avant. Il y a de la peur dans les contes, il y a du tragique dans les contes. Podane fuit le désir incestueux d'un père qui voudrait l'épouser. Le petit Pousset risque avec ses frères d'être perdu dans une forêt où les loups hurlent. on a le sentiment que le tragique est omniprésent et qu'on doit l'affronter. Mmh. Mais ce qui est très fort dans le conte, c'est que on va apprendre à apprivoiser la peur. C'est Max Lutti qui disait « Le conte merveilleux est la forme où le tragique est en même temps posé et aboli. » Alors, oui, bien sûr, je vais avoir peur, peut-être, avec le héros, pour le héros, mais je sais qu'au-delà de la peur, j'apprendrai à la surmonter, vous dites à aller plus loin. Le conte ne s'épanouit que dans l'obscurité. Il y a un rapport à la lumière, à la nuit, justement, qui est l'inverse de la lumière, et au silence. C'est vrai. C'est une parole de nuit, c'est une parole de désir. Traditionnellement, d'ailleurs, on ne devait pas raconter de contes avant le coucher du soleil. C'est une parole qui favorise l'union amoureuse. On pense que c'est une parole lubrifiante. Il y a des pourquoi sociétés. Elle met dans un état spécial, cette parole-là? Parce que, au fond, si on file votre métaphore de la clé d'or, elle ouvre bien des serrures. Et l'on pense, par exemple, que la parole conteuse favorise l'union amoureuse. Alors, on le sait bien chez nous, avec ces blagues que, traditionnellement, on échangeait les soirs de noces avant l'union des époux qui n'était précédée d'aucune cohabitation, en tout cas dans les sociétés traditionnelles. Et on se disait que cela devrait favoriser l'union amoureuse. Mais pensez, par exemple, que chez les Dogons, il est interdit à un père de raconter des contes à sa fille lorsqu'elle est nubile, à une mère de raconter des contes à son fils lorsqu'il a été circoncis, à un frère de raconter des contes à sa sœur, quel que soit son âge. Parce que lorsque, dans ces sociétés, lorsque je raconte un conte à l'autre, c'est une manière de lui faire l'amour. Parce qu'il y a une intimité très forte dans le passage de la bouche à l'oreille, de la parole du conte. Oui, enfin, quand vous parlez de la bouche à l'oreille, inévitablement, je pense déjà à ce qui va suivre et à la fécondation de la Vierge par l'oreille et à la force du Verbe. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Bernadette Bricout pour parler des contes. J'aimerais bien qu'on parle d'un conte en particulier qui, je crois, vous intéresse vous aussi particulièrement, c'est Barbe Bleue. Qu'est-ce que vous retenez de ce conte-là, que tout le monde a lu, qui a effrayé beaucoup de gens et dont un personnage est particulièrement mystérieux, c'est le personnage de la sœur Anne. Oui, alors, vous parliez de l'attente tout à l'heure. Et vraiment, la sœur Anne en est une figure. Et la sœur Anne, elle est d'autant plus mystérieuse que dans les versions orales de Barbe Bleue, qui ne s'appelle d'ailleurs pas toujours Barbe Bleue, il peut être Barbe Noire ou Barbe Rousse, mais enfin, en règle générale, on va parler de Barbe Bleue puisque c'est ainsi qu'il est connu. Il peut porter des noms différents. Dans les versions orales, le rôle de la sœur Anne est généralement tenu par un animal. Alors on peut rappeler un tout petit peu l'intrigue pour ceux qui n'auraient plus tout à fait en tête, oui, de certes. Barbe Bleue. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça d'ailleurs parce que la sœur Anne fait partie des personnages du conte qui ont une existence autonome. On dira aujourd'hui d'un homme politique ou d'une femme, il est comme sœur Anne et ne voit rien venir. Vous savez, un peu comme Jacques Brel, ce soir j'attends Madeleine. Et sur un micro-trottoir, dans un micro-trottoir, on s'est aperçu que les gens ne savaient plus du tout d'où venait notre sœur Anne. Bon, sœur Anne, c'est la sœur de l'héroïne qui, dans le conte de Perrault, va être chargée par elle. C'est un peu un double de l'héroïne, elles sont deux. L'une d'entre elles a été séduite par les richesses d'un homme mystérieux, richesses dont on ne connaît pas l'origine. Peut-être par l'homme mystérieux, on y reviendra si vous le voulez ensemble, parce que ça aussi c'est très compliqué, le désir dans les contes. Et la sœur Anne, eh bien, elle va être placée en quelque sorte en vigie, en sentinelle, en haut de la tour, pour observer si à un moment où la vie de l'héroïne est menacée, et menacée de mort par un époux furieux, par un époux qui affûte son coutelas en bas pour venir lui couper le cou, affûte, couteau goudrille, c'est-à-dire couteau ébréché pour couper le cou à la fille, eh bien elle va être chargée de surveiller l'horizon pour voir si les frères sauveurs n'arrivent pas. Or, dans les versions orales, le rôle de la sœur Anne est tenu par un coq ou par des pigeons, très souvent par un oiseau qui chante, et là aussi les contes nous apprennent à interpréter le chant des oiseaux, et donc on s'aperçoit, et ça c'est une particularité des contes littéraires, que au fond l'univers, dans l'univers du conte de tradition orale, très souvent ce sont les animaux, les plantes et les objets qui parlent et qui agissent. Dans l'univers de Perrault, par exemple, très souvent, les personnages vont être humanisés. D'une certaine manière, on rentre dans un récit qui est un récit psychologique. Mais pourquoi faut-il que ce soit la sœur Anne qui regarde si les frères arrivent? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'héroïne elle-même? Parce que la sœur Anne, elle apparaît à ce moment-là du conte. On ne la connaît pas avant. Et finalement, elle n'a que cette fonction, finalement, qui est de regarder si les frères viennent pour sauver la sœur. Elle est très lointaine, vous savez, cette sœur Anne. Perrault était un grand latiniste, il nous a proposé une version de l'Énéide travestie, et déjà dans l'Énéide, il est question de la sœur de la reine Didon au moment où elle est abandonnée par son amant, et c'est Anna Soror, Anne, ma sœur, quelle vision me tourmente et me tient en suspens. Donc elle est depuis l'Antiquité comme une figure. À la fois, vous avez raison, comme un double de l'héroïne, peut-être l'âme vigilante, tandis que l'héroïne elle-même est prise dans ce qui est de l'ordre du désarroi, de la peur. Elle est dans l'action, elle va descendre l'escalier, marche après marche, et l'autre, eh bien, elle est dans le rôle du conteur, ou dans le rôle même du cœur antique. Elle observe l'horizon. Et donc il y a cette phrase merveilleuse, sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Oui, Anne, ma sœur Anne, je ne vois rien que l'herbe qui verdoie et le soleil qui poudroie. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. L'herbe qui verdoie, voilà. Poudroyer et verdoyer d'ailleurs sont déjà archaïques au temps de Perrault. Je voulais parler du désir. Parce que je voulais vous parler d'autre chose. Il y a des versions de ce conte qui sont extrêmement mystérieuses. Et je pense à une version antillaise. Oui. Où, au début de la version antillaise, il nous est dit que la fille s'interroge sur le fait de savoir si l'homme qu'elle a épousé, si l'homme qu'elle va épouser, est un homme fiable. Comment savoir si c'est un homme? Comment savoir si c'est le diable? Sa mère lui dit, il y a un très bon moyen de le savoir. Tu vas le faire boire, il s'endormira, et lorsqu'il ronflera très fort, tu prendras cette aiguille et tu le piqueras jusqu'au sang. Si le sang gicle, c'est un homme et tu peux l'épouser. Mais si c'est du pus, c'est le diable. Alors la fille obéit, en général, elles sont toujours très respectueuses de la parole de la mère, elle prend l'aiguille, elle le pique très fortement tandis qu'il dort, et le pus gicle. C'est dangereux, c'est donc ça. Le diable. Alors elle se rend à la rivière, elle lave l'aiguille, elle se pique jusqu'au sang, elle va montrer l'aiguille à sa mère, et elle dit « Tu vois, mère, c'est vraiment un homme et je peux l'épouser. » Que pensez-vous de ça? On va continuer en tout cas de parler avec vous des contes Bernadette Bricout. Je rappelle que vous êtes professeure à l'Université Paris Diderot. En seconde partie de cette émission, on se retrouve, ce sera juste après la chronique dans Compagnie des Revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui, Baptiste Liger, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Baptiste. Bonjour Mathieu. Que pouvons-nous lire justement dans votre numéro de fin d'année, Baptiste? C'est un numéro, j'allais dire, rituel, puisque nous sommes au mois de décembre, il est le temps de faire le bilan à proprement parler d'une année éditoriale, littéraire. Ce qui nous pose véritablement une vraie question, j'allais dire sémantique. Qu'est-ce qui a compté dans l'année à proprement parler, strictement, lorsqu'on regarde un petit peu les livres? Est-ce qu'il faut prendre en compte ses coups de cœur personnels, ceux d'une équipe, ceux d'une rédaction? Est-ce qu'on doit prendre en compte, j'allais dire, quand même cette question des chiffres, les livres qu'ont vraiment lu les Français, par exemple, cette année, ou bien les livres qui n'ont peut-être pas forcément eu un grand impact en librairie, mais qui ont provoqué le débat? Je me suis dit qu'en fin de compte, tous ces éléments étaient intéressants et il fallait tous les prendre en considération. Et puis puisque la logique du chiffre fonctionne bien, on a décidé de retenir 100 livres qui ont fait l'année à partir de tous ces éléments et d'en déduire différentes choses. Notamment, quand même, il faut aller vers l'essentiel. Et spontanément, on s'est aperçu que dans notre équipe, à lire deux livres avaient été particulièrement remarqués. Et ils ont en commun d'être des livres qui sont opposés sur la forme, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans les formes, mais d'être des livres de reconstruction. Et ça, c'est quand même très troublant pour cette année. Et alors, parmi ces livres, il y a évidemment Le Lambeau de Philippe Lançon, que vous avez même désigné livre de l'année. Ben oui, parfois il faut savoir ne pas être d'une très grande originalité. Le Lambeau de Philippe Lançon, qui a obtenu le Fémina cette année, une mention spéciale du jury Renaudot, et qui a fait un petit scandale justement parce que le prix Goncourt s'était un petit peu détourné du livre. Non, évidemment, pour de très très nombreux lecteurs, bah, ça a été le livre de l'année, ça a été un choc. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui ne connaîtraient pas cet ouvrage, ah, il en reste peut-être. Il en reste peut-être quelques-uns. Oui, ils vont le découvrir. Pendant les vacances de Noël. Oui, en effet, Philippe Lançon était présent lors des attentats à Charlie Hebdo. Il en est sorti vivant, mais bon, il a été à jamais défiguré, sa mâchoire a été complètement explosée, et donc il est allé à l'hôpital. Et le livre revient. Et sur la tragédie en tant que telle et sur sa reconstruction aussi bien physique que mentale. Bon, on aurait pu imaginer un énième récit plus ou moins lacrymal qu'on aime pour des raisons extralittéraires. Oui, le livre est émouvant, ça c'est une chose, il est bouleversant, mais aussi pour sa matière littéraire, pour sa texture, pour sa capacité à être universel à partir d'une histoire singulière. Ça c'est quand même une preuve en général de grande autobiographie. On a des pages sur l'hôpital absolument magnifiques littérairement, avec une écriture que je trouve incroyable, incroyablement inventive et juste. On a des passages quasiment picturaux à proprement parler. Non, c'est un très grand livre. C'est la relation avec sa chirurgienne qu'il reconstruit d'une certaine manière et mise en abîme puisque elle-même devient une créature littéraire. Et surtout, voilà, on peut plaquer notre vie sur celle de Philippe Lançon. Il nous pose énormément de questions existentielles. C'est un livre absolument bouleversant et c'est évidemment que c'est un livre marquant. C'est une pierre. C'est presque un conte finalement. D'une certaine, on peut aussi le lire de cette manière, en effet. Alors, vous avez aussi particulièrement aimé un roman graphique américain qui, lui aussi, parle de reconstruction, Baptiste. Bah oui. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Bon, ça, c'est évidemment un goût personnel. C'est une phrase que je pourrais prononcer en bon amoureux de fantastique. Non. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est le titre d'un extraordinaire, lui aussi, roman graphique d'Émile Ferris. Mmh. C'est une dame, Émile Ferris, dont la vie a été complètement brisée lorsque elle a eu une maladie très grave, on la croyait paralysée, c'est une dame qui par ailleurs, vous savez, imaginez des petits jouets pour McDonald's, pour ne pas citer. Pour les Happy Meal, il fallait pas le dire. Oui voilà, c'est ça, absolument. Et donc, elle a suivi, j'allais dire, une sorte de thérapie, alors qu'on la disait condamnée, elle a dessiné, et au stylo, et miracle, elle s'en est sortie, et elle a développé un art très particulier du dessin, au stylo bille, et donc cet art qu'elle a peaufiné au fur et à mesure, elle en a construit un roman graphique absolument incroyable. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Bon, l'histoire d'une petite fille dans les années 60 qui est passionnée par les créatures monstrueuses qu'elle découvre dans les comics, dans les films de ce genre-là, et c'est un jour qu'il va y avoir un fait divers pas très loin de chez elle, le suicide ou le meurtre d'une dame, et donc forcément elle va vouloir en savoir plus sur cette affaire, ce qui va lui permettre de découvrir une autre forme de monstruosité humaine, temporelle, mais aussi qui va lui rappeler quelques petits événements dans l'histoire, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre en tant que tel est un livre de reconstruction, et c'est surtout, j'allais dire, une formidable leçon d'initiation d'un personnage à la monstruosité de manière très générale. C'est ça qui est très réussi, et surtout, elle travaille véritablement les imaginaires, et elle les fait se croiser de manière totalement remarquable. Parce qu'à la fois, on a des références à de la grande culture classique, picturale, enfin bon, on peut retrouver Delacroix et tant d'autres, et en même temps, la vraie culture populaire. Et d'une page à l'autre, d'une planche à l'autre, en quelque sorte, Émile Ferris crée un domaine bien à elle, une imagerie saisissante, et en plus, c'est très beau, il faut le dire, et je crois qu'on a fondamentalement un très grand roman graphique, une grande BD de l'ordre, je sais pas, de Maus, Der Spiegelman, je crois qu'on est vraiment dans ce niveau-là. Allez, un petit coup d'œil peut-être rapide sur 2019, j'imagine. Et que oui, vous avez déjà lu de belles choses pour l'avenir. C'est le début, on commence évidemment d'éplucher les ouvrages. Ouais. Tout ce que je peux dire, même si on n'a pas encore le recul, c'est que, évidemment, il y aura le nouveau Michel Houellebecq, mais il y a plein d'autres choses qui méritent déjà un petit regard, en tout cas. Il y a par exemple un nouveau roman de Céline Minard, Bacchante. Imaginez un roman de braquage avec trois braqueuses plutôt du genre foldingue qui se décident de faire un hold-up dans une cave à vin à Hong Kong. Voilà, imaginez un petit peu. Et on peut citer aussi, par exemple, le nouveau roman de Tristan Garcia, qui est une entreprise littéraire absolument folle. Il va raconter tout simplement l'histoire du monde, son premier tome, 700 pages, à travers la souffrance. Ça commence même avec la naissance du premier ver. V-E-R, voilà, je n'invente rien, et ça va nous plonger des siècles plus tard. Bref, des projets ambitieux, originaux, il y en a d'autres, j'en ai cité deux, mais on reviendra bien sûr sur ces ouvrages très prochainement. Merci beaucoup Baptiste, et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs dans les pages du magazine Lire. Vous écoutez La Compagnie des Auteurs sur France Culture au premier jour d'une série consacrée aux contes. En cette semaine de fête, nous sommes avec Bernadette Bricout qui enseigne la littérature orale à l'Université Paris Diderot. Et pour repartir dans cette seconde partie, je vous propose d'entendre l'extrait d'un conte en particulier, Mademoiselle Malène, qui appartient au recueil des frères Grimm. Il était une fois un roi dont le fils demanda la main de la fille d'un roi voisin. Et cette jeune fille était très belle. Elle s'appelait Malène. Mais son père, qui l'avait promise à un autre, la refusa à celui qui la demandait. Ni le jeune homme, ni la jeune fille ne voulurent renoncer l'un à l'autre. Ils s'aimaient tant. Et Malène dit à son père, « Je ne peux, je ne veux en épouser un autre. » Alors son père entra dans une violente colère. Il fit construire une tour au mur épais, où n'entrait ni la lune, ni le soleil. Et il dit à sa fille, « Tu y resteras cette année, et je viendrai voir si tu es toujours du même avis. » Puis, il y fit porter pour cette année de nourriture et de boissons. Puis, il y fit mener Malène, avec une servante, pour lui tenir compagnie. Et c'est ainsi qu'on les mura. Et qu'elles furent coupées du ciel et de la terre. C'est assez terrible, Bernadette Bricout, l'histoire de cette fille emmurée par son père dans une tour où il n'y a même pas de lumière. Oui, pendant sept années. Emmurée vivante avec sa servante. Et donc, tout le chemin du conte va consister d'abord à revoir la lumière, à revenir au monde, un monde dont elle a été coupée par celui-là même qui lui a donné le jour, la vie, dans un monde d'ailleurs où lorsqu'elle sort de la tour, le monde est totalement dévasté. Il ne reste plus rien, le château du père a disparu, voilà, le père lui-même n'est plus là. Le château du père a disparu, il n'y a pas trace de vie. Et lorsqu'elles vont chercher à se nourrir, à se loger, elles vont frapper à des portes, aucune porte ne s'ouvre, pas une main amie et où chercher le secours, dirait Rimbaud, elles vont devoir apaiser leur faim sur un buisson d'ortie. C'est vraiment, c'est une reconquête, c'est une reconstruction pour évoquer quelque chose dont nous parlions à l'instant. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est qu'il y a peut-être dans ce motif de la fille emmurée quelque chose de très archaïque qu'on retrouve dans une très belle nouvelle de Marguerite Yourcenar qui s'appelle « Le lait de la mort », c'est que dans un certain nombre de sociétés, on en a des récits en Orient et en Occident pour assurer la solidité d'un édifice. On devait alors faire un sacrifice d'animal. Un coq ou un mouton, ça on le sait, asperger éventuellement les fondations de sang. Mais on a aussi des récits d'enfants emmurés ou de femmes emmurées, souvent d'ailleurs sous les fondations, mais parfois dans une tour, et c'est le cas dans Le lait de la mort de Marguerite Yourcenar, où une jeune femme va accepter pour que un édifice tienne de se laisser emmurer vivante en faisant ménager simplement au niveau des seins l'ouverture qui lui permettra d'allaiter son enfant. Voilà. C'est aussi métaphoriquement un conte sur la peur qui nous enferme probablement. C'est un conte sur la peur qui nous enferme et c'est un conte, alors ce qui est très beau, c'est que c'est aussi un conte sur la mémoire. Car lorsque demoiselle Malène va revenir au jour, elle va retrouver celui que son cœur aime, celui pour lequel elle a accepté d'être emprisonnée, qui est sur le point d'en épouser une autre. Mmh. Elle le reconnaît, lui ne la reconnaît pas, ou plutôt... Tu ressembles à mademoiselle Malène, si je ne savais qu'elle est depuis longtemps enfermée dans la tour et probablement morte. Mmh. Donc, tout le cheminement de ce conte va être de nous montrer comment on peut réveiller la mémoire pour reconnaître l'autre, pour réveiller l'amour, pour le faire renaître. Et c'est donc un conte où le chemin, je crois, est accompli à deux. Il y a une autre jeune fille qui est enfermée dans un autre conte. C'est pas le même enfermement, c'est un enfermement domestique. Et c'est évidemment Cendrillon qu'on empêche de vivre. Oui, mais vous savez, Cendrillon couverte de cendres, peau d'âne sous la peau de l'animal sous lequel elle s'abrite, demoiselle Malène dans sa muraille de pierre, elle c'est un habit de pierre, bien, ce sont effectivement des figures de ces héroïnes qui vont, pour se faire connaître, pour révéler leur vraie nature, accomplir un chemin. Alors ça peut être des héros aussi, hein. Ne pensons pas qu'il y a seulement des héroïnes victimes. Vous avez des héros qui sont épouvantables. Riquet à la houppe, lorsqu'il naît, dans les versions orales, c'est un gnome couvert de verrues et de pustules. Comment arriver à cheminer pour se faire connaître, pour mettre au jour ce qui est de l'ordre de ce que j'appellerais moi une beauté intérieure, et pour arriver à la lumière? Mais alors Cendrillon, finalement, recherche la vie un petit peu conventionnelle, que finalement, elle imagine de manière un petit peu cliché, j'ai envie de dire. C'est en tout cas comme ça qu'on a pu faire une lecture de ce conte-là. Qu'en pensez-vous, Bernadette? C'est comme ça qu'on le revisite, notamment à partir d'un certain nombre de films ou de téléfilms. Il n'y a pas d'aliénation quand même dans le personnage de Cendrillon? Non, je m'inscris en faux contre vois que vous cette n'êtes pas lecture. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Cendrillon... L'histoire de Cendrillon, elle illustre cette contradiction où se trouvent les filles qui, dans les sociétés traditionnelles, doivent être à la fois les gardiennes de la maison, elles sont sages, et si elles se mettent à courir les rues, nous disent les sociétés traditionnelles, alors ce sont des filles perdues. La contradiction où elles se trouvent, d'être placées au fond entre le règne de Hestia, la Vestale, on va gardienne du foyer, comme le dit très bien Nicole Belmont, et puis la nécessité de sortir de ces maisons dont elles sont prisonnières, non seulement pour ne pas finir vieille fille, mais pour aller découvrir autre chose, pour aller conquérir autre chose. Je crois pas du tout que ce soit le désir d'un destin conventionnel ou même le désir d'épouser un prince qui fasse sortir Cendrillon de sa maison. C'est le désir de partir, c'est le désir de liberté, c'est le désir d'aller voir ailleurs, comment, dans la vraie vie, comment les choses se jouent. Et donc, ce chemin, pour moi, c'est un chemin de liberté. Alors, je vous propose d'écouter encore un nouveau conte, un petit peu en longueur. Il est très célèbre, vous allez le reconnaître immédiatement. Il était une fois un homme et une femme qui désiraient avoir un enfant depuis longtemps déjà, mais en vain. Finalement, la femme eut espoir que le bon Dieu allait exaucer leur désir. Ces gens avaient à l'arrière de leur maison une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient en abondance les fleurs et les simples les plus belles qui soient. Mais ce jardin était entouré d'un haut mur et personne n'osait y entrer parce qu'il appartenait à une magicienne qui avait un pouvoir immense et que le monde entier craignait. Un jour que la femme se tenait à cette fenêtre et regardait dans le jardin qui se trouvait en bas, elle aperçut soudain un carré où étaient plantées les plus belles réponses qui soient. Elles avaient l'air si fraîches et si vertes qu'elle en eut envie et ressentit un intense désir d'en manger. Son désir augmentait de jour en jour, et comme elle savait qu'il lui était impossible d'en avoir, elle se mit à dépérir et devint toute pâle et très mal en point. Son mari prit peur et lui demanda « Ma chère femme, que te manque-t-il ? » ?»« Ah ! » répondit-elle. « Si je ne peux manger des réponses du jardin qui se trouve derrière notre maison, je mourrai. » Son mari, qu'il aimait, se dit... Plutôt que de laisser mourir ta femme, tu vas aller lui chercher des réponses, quel que soit le prix à payer. À la tombée de la nuit, il escalada le mur pour entrer dans le jardin de la magicienne, arracha en toute hâte une poignée de réponses et les apporta à sa femme. Elle s'en fit aussitôt une salade et les mangea goulûment. Mais elle les avait trouvées si bonnes, que le lendemain, elle en eut encore trois fois plus envie. Pour l'apaiser, son mari n'avait pas d'autre choix que d'escalader le mur une nouvelle fois pour retourner dans le jardin. Il y retourna donc de nouveau à la tombée de la nuit. Mais quand il fut de l'autre côté du mur, il fut saisi de peur en voyant la magicienne debout devant lui. « Comment oses-tu venir dans mon jardin et prendre mes réponses, voleur que tu es ?» lui dit la magicienne en le regardant d'un air furieux. « Tu ne t'en tireras pas comme ça !» En effet, il ne s'en est pas tiré comme ça du tout, puisque la magicienne demande, en échange de nouvelles réponses, de s'approprier l'enfant à naître. Ça aussi, c'est un conte absolument terrible. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? D'abord, je crois qu'on vient de l'entendre dans l'extrait que nous venons de partager. Il nous rappelle qu'il y a un savoir-vivre vis-à-vis du monde invisible. Qu'on ne transgresse pas impunément un certain nombre de lois. Mmh. Que pénétrer dans un jardin, alors ça peut être le jardin d'une magicienne, mais ça peut être aussi à la limite le jardin du voisin, ou qui sait, ce chemin creux dont on dit qu'il est défortuné et que la nuit, il s'y passe des choses qui peuvent être terribles. Eh bien, ça peut passer par un apprentissage de, j'allais dire, de la civilité. Or, d'un côté, il y a cette envie de femme enceinte, qui est magnifiquement évoquée là par l'envie de réponse, très souvent dans d'autres versions par une envie de Percy, qui est une envie irrépressible. Quelquefois, c'est la femme elle-même qui s'introduit dans le clos de la magicienne et qui va le tondre de sa langue. Mmh. Elle ne laissera derrière elle qu'un jardin pelé. Donc, c'est une envie irrépressible. Et puis, il y a le fait que la transgression se paie et que... Voilà, il va y avoir un prix à payer. Alors fort heureusement, le prix à payer qui est très lourd et qui pèse sur la destinée de l'enfant sera résolu de manière heureuse, puisque on s'en souvient, le tragique est posé et aboli, mais au terme d'un certain nombre d'épreuves qui vont être très difficiles à vivre pour la fille elle-même, puisqu'elle sera enfermée dans une tour. Mais qu'est-ce que ça nous dit des parents, et peut-être de la mère en particulier, qui préfère les réponses à son enfant? Attendez, c'est très mystérieux cela. C'est très mystérieux cela, parce que ça nous renvoie déjà à, si je vais parler ici évidemment en tant que femme, à toutes les croyances qui concernent l'envie des femmes enceintes, dont on disait qu'elles risquaient de peser de manière mimétique sur l'enfant à naître. Vous savez que une envie de fraise non satisfaite risquait de provoquer une tache de fraise sur la joue ou sur une partie plus intime de la jeune fille. Il y a des sociétés où l'on dit que pour entourer la femme enceinte qui est au cœur du monde mais qui est en même temps extrêmement vulnérable de toutes les précautions, il faut éviter que le désir lui-même ne naisse, de crainte qu'il ne soit pas satisfait. Je pense à l'un de mes étudiants marocains qui disait, lorsqu'on rencontre une femme enceinte sur le chemin, il faut surtout lui dire, il n'y a que des outils dans mon panier, de crainte qu'elle ne fantasme à un fruit merveilleux dont on ne pourrait la satisfaire. Donc cette envie, est-ce que c'est son envie irrépressible à elle? Est-ce que c'est l'envie de l'enfant qui l'habite? Est-ce que d'une certaine manière, la femme qui est grosse d'enfant, ne sort pas elle-même de ses frontières, tout ça est très mystérieux. Ça nous parle de ce mystère-là. Après, il y a un prix à payer, il est vrai, mais comme souvent dans les désirs irrépressibles. Hein. Alors, il y a un autre conte qui est absolument formidable et dont vous parlez dans votre livre La Clé des Contes. Il s'appelle Le Conte de la Fille du Roi, dont le manchon est fait de la peau d'un pou et de son galant, Monsieur de Bréville. Ça, c'est un conte qui a été recueilli en 1913 par Henri Pourrat dans le pays d'Ambert, parce que les contes sont, ont été recueillis. Il y a des gens comme ça qui sont très importants dans l'histoire de ces contes, et Henri Pourrat en fait partie, parce qu'il a comme ça récolté beaucoup d'entre eux. Et cette histoire de la peau de pou, elle s'est racontée avec des variantes un peu dans toute l'Europe, particulièrement en Finlande et dans les pays scandinaves, mais aussi en France, où il y en a une trentaine de versions. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? D'abord, peut-être, si vous le permettez, puisqu'on est dans la compagnie des auteurs, un mot sur Pourrat lui-même, parce qu'il est vrai qu'il a collecté des contes pendant 50 ans, mais il a élaboré aussi un trésor des contes, comme l'était la cassette de tout à l'heure, un peu comme l'ont fait les frères Grimm, un millier de contes élaboré à partir de versions orales recueillies par lui, mais aussi à partir de versions orales qui lui étaient transmises par des correspondants. Et je crois vraiment que le trésor des contes est un trésor. Là, ça fait partie des trésors à redécouvrir. On en parlera peut-être, qui sait, dans la revue Lire dans quelques années. On espère. D'ailleurs fait l'objet d'une réédition magnifique. Et vraiment, c'est pour moi un ouvrage important. Donc, c'est véritablement un auteur artiste à part entière. Alors, cette peau de poux, parce qu'on savait pas avant de lire ce conte qu'on pouvait retirer la peau des poux et en faire des manchons pour les jeunes filles. Oui. Alors la peau de poux, elle est au cœur d'une épreuve. Elle est au cœur d'une épreuve imaginée par un père. Très souvent, les pères sont des pères abusifs. Une épreuve qui consiste à fabriquer, à gaver un poux comme on gave une noix. Ici, les amis des animaux auraient leur mot à dire, jusqu'à ce qu'il explose, à en faire un manchon et ensuite à essayer de faire deviner à tous les hommes du royaume de quelle peau est faite ce manchon. Évidemment, c'est difficile. Cette histoire, en fait, est très proche dans la classification internationale, puisqu'il y a une classification internationale des contes, d'une histoire beaucoup plus célèbre qui est la mégère apprivoisée. Qui est aussi la mégère apprivoisée de Shakespeare. C'est l'adaptation d'un très grand conte recueilli dans nombre de pays. Et c'est donc l'histoire de ces trop fière princesse. Alors, dans le cas de la mégère apprivoisée, c'est une mégère. Dans le cas de la peau de poux, c'est une fille qui a eu l'audace de choisir elle-même l'homme qu'elle veut épouser. Oui. Et évidemment, Monsieur de Bréville. La loi du père ne veut pas Monsieur de Bréville. Donc, il va essayer, en quelque sorte, de corriger sa fille, un peu comme on va apprivoiser la mégère. Les épreuves sont rudes, le cheminement est difficile, mais c'est un des contes les plus poétiques et les plus mystérieux qui soient. Donc il fait passer finalement tous les prétendants possibles devant sa fille en disant celui qui découvrira en quel type de peau est fait son manchon, je lui donne ma fille. Et alors Monsieur de Bréville évidemment est candidat. C'est le dernier. Ben Monsieur de Bréville ne surgit pas, elle essaie de le prévenir et voilà que le dernier arrive tout mâchuré, couvert de suie et de cendres. Au fond, c'est un équivalent masculin de Cendrillon, un être repoussant. C'est un charbonnier. Qui est un charbonnier cousin du diable. Le charbonnier, comme le loup au fond des bois, hurle sans cesse. C'est un personnage qui faisait peur, qui va écraser un pou dans ses cheveux et qui dira c'est peut-être la peau d'un pou et le roi est obligé de lui donner sa fille. Sauf que, Bernadette Bricout, le charbonnier, Monsieur de Bréville, ne va pas se révéler tout de suite. Et ça, c'est très étrange parce que, logiquement, dans un conte qui se termine bien, il devrait y avoir tout de suite ce coup de théâtre. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout de suite à la femme qu'il aime que finalement il est Monsieur de Bréville et pas ce simple charbonnier ? Parce que la reconnaissance amoureuse, me semble-t-il, et les contes nous le disent, passe souvent par des épreuves. Connaître l'autre pour aimer vraiment ce qu'il est dans sa différence, dans son altérité, ben ça n'est pas donné. Il y a beaucoup de masques. Alors, il y a là les masques, évidemment, qui sont les masques sociaux, le masque de la misère et de la saleté que le charbonnier épouse par rapport à sa trop fière princesse. Ça nous rappelle la fable de La Fontaine, vous savez, et fut toute heureuse et toute aise de rencontrer un malotru. Et ben là, le malotru, c'est le charbonnier. Mais au terme de « quand tous les masques tombent, alors l'être apparaît dans sa lumière ». Oui, ça a un prix, mais c'est toujours un scénario de gagneur que le conte nous propose, non pas au sens social. On sait que néanmoins, au terme des épreuves, l'histoire se finira bien, c'est-à-dire qu'elle fait sens. On pourrait rester des heures à vous écouter, Bernadette Bricout. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette compagnie des auteurs. Mais pour aller plus loin, on peut toujours se procurer votre livre « La clé des contes » qui a été réédité en 2016 après une première parution en 2005 aux éditions du Seuil. Il est encore temps pour les retardataires de le déposer au pied du sapin. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Audrey Guélil. Demain, on parlera des contes, cette fois de Noël. Ce sera avec Jérémy Benoît qui a préfacé un volume de la collection Bouquins chez Robert Laffont, qui est une anthologie des contes de Noël. Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé, qui est lui aussi à sa façon un conteur. Bonjour, bonjour la compagnie. Pour faire la connaissance de Hans Limon, on peut se reposer sur les premières pages de Poéticide, qui, malgré leur noirceur ou leur dépit, ne s'en tiendront pas là. Non, non, non. Ou, on peut dire, un livre qui a du souffle, et pas le dernier. Il y a fort longtemps, sûrement, alors qu'il était rose encore de ses illusions d'aurore et paré pour l'apothéose des plus folles épopées, les plus inavouables aussi, les yeux pointés vers son fort intérieur, forteresse a priori imprenable, il se souvient. Il faisait jour et froid. La veille, transit fatigue, il venait de vomir sa bile, Angers d'Alexandrin, filandreux sur le carré blanc pixelisé de son écran d'ordinateur, puis s'était assoupi, comme l'aurait fait n'importe quel homme humainement constitué, après 5 heures de labeur et de rumination. Les mots lui reviennent, comme par régurgitation, alors il les remâche, les sourcils froncés, la mine grave, les récite à voix haute, oubliant dans son navrant soliloque le jeune poète prématurément vieilli. Les poètes, c'est le nom du premier poème, comme quoi il y va, hein, mais c'est barré, le poème est barré d'un seul trait. Nous sommes pasteurs, nous sommes les poètes, nous sommes les élus commandant la tempête sur un plateau de verre où trône une coupette, et nous buvons, et nous trinquons, et nous cuvons, nous rendons en relent ce que nous vous devons. Mais que vois-je au hasard? Un joli papillon qui flirte avec le ciel et rime avec sillon. Je m'en vais l'enfermer dans ma verte rature. Je sais bien mieux que vous ce que vaut la nature. Sur le trottoir d'en face, une jambe coupée, pourquoi ne pas en faire une belle épopée? Mes prophéties coudoient les fondements du monde. Je transmute l'abîme en lumière féconde. Nous sommes le Messie, nous sommes la trompette. Nous pleurons vos malheurs sur un air de goguette. Et nous voyons, et nous sentons, et nous disons, nous accommodons l'aube à toutes les saisons. Oh, je suis le poète amant du peuplier, je l'écrirai 100 fois pour ne pas l'oublier. Mais cet enfant qui pleure, et ces clochards qui crèvent, mais non, vous vous trompez, regardez bien, il rêve. Arrayé comme tous les autres, quelques larmes ruissellent sur ses joues, ses yeux sont dessillés. Tous les crevés, tous les rayés, ruine au milieu des ruines, il n'en revient toujours pas, ne sait guère, ou plutôt ne comprend pas ce qui a pu l'amener ici, sur cette terre d'apocalypse. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, ai-je ma place dans ce cloaque immonde où le plus dégueulasse triomphe sans combattre, au mépris des vertus, où l'enfant démuni mâche les détritus sur le tombeau poubelle ouvert aux 4 vents de ses frères de veille et des sommeils levants? Dans ce désert absurde où la loi du plus con domine la morale et s'accroche au balcon. To shoot or not to shoot, to kill or not to kill, what a stupid question on the age of my bill. Merci Jacques Bonafé pour sa lecture de texte du poète et écrivain Hans Limon.